La victoire de la reine. Écrit et narré par Mia, alias Mia Kusei. La reine Badian sourit tout en baissant les yeux vers ses ennemies inconscientes et vaincues, les Sailor Guardians.